quoi ça sert un cerveau après une longue journée de travail? Ou à quoi ça sert un cerveau nettoyé par l'école?